Manos al aire, gitanos! Representando! Les auteurs de ces raids sèment l'angoisse dans les campagnes et les petites villes. Comme les routiers du Moyen-Âge, ils se sont appropriés le monde rural. Les outils de ces bandes, le scanner pour écouter les forces de l'ordre. Et surtout, l'automobile à la fois, leur cheval et leur arme. Ils passent leur nuit à en dérober les plus rapides possibles et à sillonner les routes à la recherche de leur proie. La rumeur en Gironde effectivement affirme que la plupart des malfaiteurs viennent de là. On fait de la thune ici, on sent pas les coups des poulets. T'as vu l'album à ce rêve, comment il est trop fou, lec. C'est mort, side, big up aux gitans, manouche aux voyageurs. Les jaloux, un fusil à pompe dans la chatte à votre sœur. Vive l'Algérie, j'oublie pas d'où je viens. Même millionnaire, j'oublie pas tous ceux qui ont rien. Ok, bande de salopes, j'suis avec mes cousins. Tahia Jazair jusqu'à la mort, mon cousin. J'fais des tubes, t'inquiète, j'traîne qu'avec des plombiers. Si tu pars derrière, on va te plomber. Dans la chatte à ta mère. Oh pardon, je me suis trompé. Big up à tous les Français qui sont pas si rap. Big up à tous mes potos qui sont heps qui poucapent pas. Big up à tous ceux qui portent truand de la lerka. Pour l'instant que les jaloux se branlent devant leur miroir. Jalousie, hypocrisie. Tu en meurs jusqu'à attraper une maladie. Mort Sizer, F et t'as tout compris. Les jaloux en crève, ils attrapent tous une crise d'épilepsie. Jalousie, hypocrisie. Tu en meurs jusqu'à attraper une maladie. Mort Sizer, F et t'as tout compris. Les jaloux en crève, ils attrapent tous une crise d'épilepsie. Jalousie, hypocrisie. Tu en meurs jusqu'à attraper une maladie. Mort Sizer, F et t'as tout compris. Les jaloux en crève, ils attrapent tous une crise d'épilepsie. Écoutez-moi, Chavez, c'est moi l'Angelo. Le petit gun du drone, du béton, du ghetto. Je me souviens des misères faites. Passé Gradier, passé Lumni. Chinois à 6h du mat, c'est l'éclisté. Descends du maire, du préfet et de la télé. Allez, donc pas d'école, pas d'études à cause des tziganes. On appelle cartable, mais guettez nos caravanes. Gradier, Gradier, on tuera toujours vos voitures. Pour faire nos casse béliers. Allez vous le faire chivave, de la part des manouches de France. Pour avoir vécu toute la misère en France. Tueur, braqueur ou ferrailleur. Y'a beaucoup de liquide caché derrière nos compteurs. Ok, moi c'est le mécho, cagoule sur la tête. Fuyant la galère, ça pète sous les casquettes des gars aidés. Frère des terres, des caravanes, solidaires de France. Pour mes frères manouches de France. Qui représentent Bordeaux en rodéo 33 pour truand la galère. Pour ceux qui tueront. Jalousie, hypocrisie. Tu en meurs jusqu'à attraper une maladie. Mort Sizer, F et t'as tout compris. Les jaloux en crève, ils attrapent tous une crise d'épilepsie. Jalousie, hypocrisie. Tu en meurs jusqu'à attraper une maladie. Mort Sizer, F et t'as tout compris. Les jaloux en crève, ils attrapent tous une crise d'épilepsie. Jalousie, hypocrisie. Tu en meurs jusqu'à attraper une maladie. Mort Sizer, F et t'as tout compris. Les jaloux en crève, ils attrapent tous une crise d'épilepsie. Si c'est alias, on te braque à la calache. Audi S8, pétard pour un arrache. Représente les frères qui vivent en caravane. Traqué par la BR de ces putains de gendarmes. Quand y'a des courses poursuites, ça roule à 2,50. Les pirates du bitume niquent la musique de France. Opération charbon en bolichoura. Poussez-vous de la route, c'est les gens du voyage. Ça réveille les gadgets la nuit à coups de bélier. Ou ça casse leurs portes pour trouver les lovés. C'est pour les chineurs, les mecs qui ont du vice. Qui rentrent toute la nuit pour prendre une RS6. C'est pour les mecs déterminés à tout casser. Qui cassent les vitrines, chez nous y'a pas de CC. Y'a que des trafiquants d'or d'antiquité. Comme Orsay Angelo qui pèse tous les condés. Jalousie, hypocrisie. Tu en meurs jusqu'à attraper une maladie. Mort Sizer, F et t'as tout compris. Les jaloux en crève, ils attrapent tous une crise d'épilepsie. Jalousie, hypocrisie. Tu en meurs jusqu'à attraper une maladie. Mort Sizer, F et t'as tout compris. Les jaloux en crève, ils attrapent tous une crise d'épilepsie. Jalousie, hypocrisie. Tu en meurs jusqu'à attraper une maladie. Mort Sizer, F et t'as tout compris. Les jaloux nous entraîne, ils attrapent tous une crise d'épilepsie. D'onde vienes, chiquilla? Chequilla, Roberto Gitano. ¡Roberto Gitano!